J'ai arrêté l'école, nique sa mère le broc. J'ai commencé la drogue, j'ai servi les profs et pas de preuve. La juste comme une femme battue. Des deux espoirs dans mon crew, que des gars matures. J'mets des gifs au mytho, qui parlent de chiffres au micro, des crapules, des capuches. Leur rap plus comme le jeu des Miku, vite faut des soupes vertes. J'ai dans des couples éclates, j'ai coulé mon shit. Et oui, je dégoûte les decks. Avoue que t'es dead, là ça tire, on va te trouver le cul. Laxatif, t'as pas un centime, tu fais gratter des clopes. J'en ai marre de hagal, je vais mettre à frapper tes potes. 2012, je vais te casser les codes. Je vais tout niquer le rap, pour m'arrêter, faudra me passer les notes. Assez de votre rap, t'as spawn, j'arrive. Par les égouts, je viens chez toi, spot, j'arrive. C'est nous, c'est pas la même dose, vis pas les mêmes causes. T'inquiète, pourtant j'y je baisse pas mes copines dans les mêmes postes. C'est violence volontaire, on veut le million sur long terme. Bande Hassan, on suce pas pour être à l'antenne. Chez nous, c'est pire que chez toi. Toi, tu viens que pour chez tout. Nous, on fait des plans pour baiser ta soeur, rentrer chez toi. C'est bizarre. Pour tous les redorants à bizarre, t'es nous vit dans le bizarre, accouplé à la misère. Une plaquette comme salaire, putain d'être c'est salé. Le rap je lui baisse sa mère et y'aura pas de faux salaire. Des trompes, c'est pas un tube de deux palmas. C'est pour nous faire en cabane qui consomme des palmas. Les pattes malentendues, ça trafique dans les blocs. Ici c'est Marseille, puis pas dans mon ton cul. Des bananes dans ton cul, tu te fais escroquer mais le drogué revient. Ça devient banal, on compte plus les doux hein. Comme les déchets des groupies, j'découpie sans pitié. Viens me lécher les couilles, je vais enchaîner les coups hein. Toi tu parles mais vas-y viens te faire un tour entre les chiens et les loups. Je pose pour les miens toujours la pupille dilatée. Je publie sur bloc, toi ton public t'as largué. Au quartier t'es fiché, les jeunes vont t'arter à quatre pattes. Les salopes finissent les jambes écartées sur le parquet. Il y aura des gains pour ces pas et tu payes. Que t'aies de l'argent ou pas pour nous ces soirées. Ce soir on l'orage, vas-y pète ta hache. C'est près du but on pète la cage. Prétentieux, modeste et sage, du quartier j'ai le message. Bien tort, mais en vrai t'es là, j'ai pas la gueule de Bandera. Mais j'te couesserai petite Pantera. Des fois j'raisonne comme Andera. J'suis de la zone, reste pointé là. Y'a nada, j'aime pas la gauche, vise ma ganache. Je veux des liasses, des misses fraîches, punta cana. Un jeune connard me dort pas ouais. Cette vie maçonne, je récolte ce que je sème. Parle pas hôtel, elle crame et la cime. J'ai pas le moral, mon cœur saigne. Je veux la somme, nique l'insigne. Il joue des scènes, c'est pute mec, plus bas que sol. Tu crois m'apprendre, moi je t'enseigne. Les putes enseignent, j'avance seul. Alors qu'ils parlent de mes textes, hein. J'ai rien à prouver comme Abdallah. Par principe, je te rends les couilles, je me fous que tu aies n'importe quel âge. Les flics au trace, ma gueule, on s'arrête pas de mandat pif. Faut envoyer les mandats cash, les BDH, vous tombez à pic. Moi je veux ça, les phaseurs, je m'en parlais que du coup ta soeur. En plein contrôle de mon doum doum, ça dit aux flics sur ton taser. Vous m'en voulez, parce que j'ai rien vu débouler. Au quartier, ça pique ta mère, si tu cries pas ara quand y'a les poulets. Le shit dans l'emballage, ça travaille les pecs sur le polo. C'est pas normal, c'est un gars, tu m'as tué dans la tête solo. Fidèle au pack de H, mission pour les frères en prison. Quand je me rappelle des souvenirs, j'en ai des frissons et les petits sont déterminés et ouais, donc, toujours au P pour un petit son. Y'a pas de piston. Devant la maman, tu sais que le piston. La rue inspire mes frères, elle les attire, puis les enterre. Elle traîne avec les flics, à cause d'elle, on les enferme. J'en place une pour mes compères qui ont été jugés devant leur père. Les gars, restez sereins, améliorez vos coups de rein. Dans ma vie, je me promène, ghetto phénomène dans l'appareil. Sur VTN, toujours pareil. Les ruines ne sont plus les mêmes. Les regards sont truffés de haine, l'argent a volé les reins. Le rogo face pour du pollen. La vision de ma vie m'intrigue. Mes collègues capables jusqu'à Martigues. Marseille n'a rien de magique. Vu des bourmettes, ça reste tragique. On a grandi dans le même navire, on se déchire pour des sentiers. Je reste violent face à la crise. Des fois j'en perds mes neurones. À force de pas trop réfléchir, on peut finir avec les menottes.